débattait pour garder la quiétude. Même quand ça sent l'amour, tout ce qui unit, tout ce qui désunit. Il vaudrait mieux maudire les esprits qui n'ont aucune guerre. Il vaudrait mieux maudire les esprits qui ne savent rien de la fatigue. Il vaudrait mieux maudire les esprits qui savent penser à rien et tirer sur les autres, qui profitent de cela pour leur vendre du bon, des idées de cadeaux, des séjours sur la terre, du repos bien mérité, des hommes apprivoisants, des femmes affranchies, des outils de communication, des bases d'arguments, des raisons d'espérer, du sexe, du chant, du vrai. Mais madame, la liberté. Je ferai de la contrebande, fournisseuse de canons à peine sortie des moules, crédit illimité pour les musclés du slip. Fournisseuse de poupons pour cadre dynamite, sans apport préalable pour les buveurs de sang. Fournisseuse de boublons pour cette boîte de conne qui glapit à la radio. Quelle planète sommes-nous? C'est ça, l'évolution. C'est ça, pushing the limit. Alors, je lève une armée de gueux, de boissons soif, de tyrans potentiels. Et on pille, et on massacre, et on bouleverse la face des mondes. Et réapparaissent les uns, voulant au pied la démocratie. Quand je serai un peu plus morte que d'habitude, je m'expose aux ondes entières. Je leur montre mon manque de charisme. Je me frotte le cul sur les télés objectifs. La terre aussi ouvre grand ses artères et elle devient bouge et elle rit de cette couleur soudaine et elle s'amuse aussi et elle mâche cela qui s'enfuit en priant et elle laisse tomber ce qui prit en volant. Et elle mène en cohorte ce qui faisait des nœuds. Les arbres la regardent, la mer a fait coton, la neige sent blanc, si. Le vent s'est arrêté, les pierres quittent la ville et s'en vont en gifle. Après la haine vient l'air du temps. Hé, petite, tu as senti ce que j'attends?